natif d'Amiens, fils de boucher, Gonzague Pillon est bouquiniste. C'est dans le Massif central qu'il a trouvé un vieux Renault Trafic datant de 1984 qui l'accompagne dans ses pérégrinations alpestres avant de devenir le théâtre de ce premier roman initialement paru sous le titre Le Radiateur et qui reparaît donc sous le titre Les Faux Bouquineurs. José a un plan fou pour changer de vie. Il a repéré dans un vieux monastère des manuscrits rares qui, selon Michel, son ami relieur au chômage, pourraient bien valoir une petite fortune. Ni une ni deux, les compères grimpent à bord d'un vieux Renault Trafic, brinque-ballant et mal rafistolé, pour entamer leur périple en Haute-Savoie. L'un espère régler ses dettes, l'autre financer les études de sa petite sœur. Mais les déconvenues se multiplient, et la belle aventure se transforme en une traversée du désert qui révèle José et Michel à eux-mêmes. Drôle, tendre et rocambolesque, leur déconfiture s'annonce aussi totale que superbe. Les Faux Bouquineurs de Gonzague Pillon est paru chez J'ai lu.